Les uns étaient assis sur d'informes décombres. D'autres, je les voyais quoiqu'un vent les chassât, terribles, agitaient des vestes de forçats. D'autres étaient aux joues liés comme des bêtes. D'autres étaient des corps qui n'avaient pas de tête. Des femmes sur leurs seins montraient les clous du fouet. Des enfants morts tenaient encore leurs jouets et leurs crânes entr'ouverts laissaient voir leur cervelle. D'autres gisaient en tas ainsi que des javelles. D'autres avaient au cou la corde du gibet. D'autres traînaient des fers. Un autre se courbait, l'affreux plafond trop bas d'un cachot solitaire ayant ployé sa tête à jamais vers la terre. Des vieillards, dont le sang coulait en longs ruisseaux, tiraient avec leurs doigts des balles de leurs os. D'autres touchaient leurs yeux crevés par les mitrailles. D'autres, avec leurs mains, soutenaient leurs entrailles. Innombrables, meurtris, pâles, échevelés, tous dans la nuit farouche affreusement mêlés, dressaient leurs fronts. Et ceux qui n'avaient pas de tête élevaient leurs deux poings. Et le vent des tempêtes soufflait. Et derrière eux, accroupis, accablés, on voyait un monceau de fantômes voilés, muets et noirs. C'étaient les veuves et les mères.